force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je vais dire à un frère, à une sœur qui s'inquiète, ne t'inquiète de rien. Crois que avant le 31 décembre, le miracle est encore possible. Cette facture que tu dois payer, cet argent que tu attends, l'Éternel est capable de pourvoir de manière surnaturelle. Regarde à Jésus, ne regarde pas aux hommes. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à notre temps de prière. OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 75. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 75. Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Azaph. Cantique. Nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Au temps que j'avais fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. Il y a deux vérités que je voudrais partager avec vous à partir de ce psaume. Voici la première vérité. Apprenons à louer Dieu et à publier ses merveilles. Oui, surtout que nous sommes en cette fin d'année. Nous devons louer Dieu. Nous devons le célébrer. Notre ministère ne consiste pas à pleurer, à pleurnicher, à se plaindre, à se lamenter. Je vais dire à quelqu'un, tu ne fais que te lamenter. C'est à cause de mon oncle, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de tel que moi je n'ai pas réussi dans la vie. Non! Regarde ce que Dieu a fait et apprends à le louer. Notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Azaph affirme dans ce psaume que son peuple le loue et publie ses merveilles. Verset 2, il dit, nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches. Il s'agit d'une louange anticipative pour les victoires qu'il allait accorder à son peuple et pour les jugements qu'il allait infliger à leurs ennemis. Nous devons apprendre à louer Dieu. Je vais parler à un frère. Tu peux louer Dieu pour ce qu'il va faire. Tu lui as déjà demandé quelque chose. Tu as prié pour que ton ministère s'étende. Tu as prié pour que Dieu te donne un visa pour aller à l'Occident. Tu as prié pour que tu démarres ton ONG. Même si les papiers ne sont pas encore sortis. Mais tu as cette certitude, cette conviction que Dieu va agir. Et tu peux commencer à le louer de manière anticipative. C'est une telle louange que Marie pouvait adresser à Dieu quand on lui a dit qu'elle enfantera un fils dont le nom c'est Jésus-Christ. C'est la même pensée qui revient au verset 10 et 11 de ce psaume où il dit « Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. » Dieu poursuit en disant « Et j'abattrai toutes les forces des méchants. » Les forces du juste seront élevées. Nous devons aussi apprendre à les louer en dépit des combats et des vicissitudes de la vie. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais oublier les merveilles du Seigneur. Le roi Saül voulait empêcher David de combattre Goliath, car il estimait que ce dernier était plus expérimenté dans le combat que David. Mais David pouvait rétorquer en disant, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Vous trouvez ça dans 1 Samuel 17, verset 37. Paul et Silas avaient adressé à Dieu une louange anticipative. Lorsqu'ils étaient dans la prison, vous trouvez ça dans Actes 16, 24 à 25. Et nous savons les conséquences qui s'en ont suivies. Il y eut un grand tremblement. Les fondements de la prison furent ébranlés et tous les liens des prisonniers étaient brisés, étaient rompus. Toutes les portes s'ouvrirent. Nous devons proclamer le nom de Dieu dans nos bouches, comme nous dit le verset 2. Son nom incarne sa personne, sa présence. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, qui combat pour nous. Il s'appelle Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Il s'appelle Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Il s'appelle El Olam, le Dieu de l'éternité. Il s'appelle Yahvé Tchikenou, le Dieu de justice. Nous devons explorer tous ces noms et apprendre à les louer, à les célébrer. Deuxième vérité, nous devons savoir que Dieu exerce sa souveraineté dans le monde et qu'au temps fixé, il jugera nos ennemis. Oui, nous devons savoir cela. Au temps fixé, il jugera nos ennemis parce que c'est lui le Dieu souverain. Lorsque nous constatons les guerres, la désolation, l'oppression des méchants, l'arrogance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui s'appuient sur les pouvoirs occultes ou sur les richesses, nous pouvons souvent nous poser la question de savoir où est Dieu, que fait-il, pourquoi laisse-t-il les méchants dominer sur la terre? Ce psaume nous fournit la réponse à de telles questions. Asaph affirme plusieurs vérités. En voici quelques-unes. Il dit, au temps fixé, Dieu jugera avec droiture, au verset 3. Il est le Dieu de droiture. Tu peux voir quelqu'un qui est élevé aujourd'hui, il est arrogant parce qu'il est riche. Mais tu vas voir, Dieu va le juger comme il a jugé des gens comme le roi Nebuchadnezzar. Dieu abaisse ceux qui l'abaissent. Il y a un temps fixé pour le jugement des méchants. Il a laissé Pharaon dominer sur Israël pendant 430 ans. Mais au temps qu'il a fixé Abraham, plusieurs siècles avant, il a exercé son jugement sur les Égyptiens à travers les 10 plaies. Il a même englouti l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Il a accompli cette parole qu'il a dite à Abraham, « Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Vous trouvez ça dans Genèse 15, verset 14. Il a laissé le roi Belshazzar profaner les objets saints emportés à Babylone en les utilisant pour boire du vin. Mais au temps fixé, il l'a pesé et il a jugé en faisant apparaître cette écriture. Comptez, comptez, pesez, divisez. Daniel 5, verset 25. Il s'en est suivi sa mort brusque et la division de son royaume. Il a laissé encore Hérode persécuter l'église au point où il a réussi à faire mourir Jacques. Mais au temps fixé, il a frappé Hérode par une mort soudaine et il fut rongé par les vers. Vous trouvez ça dans Actes 12, verset 23. De la même manière, il exercera son jugement sur Satan, l'Antichrist et les faux prophètes lorsqu'il reviendra établir son règne pendant le millénium. Asaph dit encore, c'est lui qui fait trembler la terre et il a fermé ses colonnes, verset 4. C'est le signe de sa souveraineté qu'il exerce sur toute la terre. Il en est le créateur et il contrôle tout ce qui s'y passe. Dieu parle aux méchants qui élèvent leur tête ou leur corne comme signe de rébellion contre Dieu et qui parle avec arrogance, selon le verset 5. Il leur dit de ne pas lever haut leur tête. L'un des éléments qui caractérise les règnes de l'Antichrist, c'est l'arrogance. Daniel 8, 25 dit, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et toujours en parlant de la souveraineté de Dieu, Asaph dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais c'est Dieu qui élève qui il veut, versets 7 à 8. Les rois de ce monde, les oppresseurs ou les dictateurs de ce monde pensent qu'ils dirigent par leur propre pouvoir et ne se soucient pas de Dieu. Nous devons reconnaître que c'est lui qui élève et abaisse qui il veut. C'est pourquoi Daniel pouvait affirmer, c'est lui qui renverse les rois et qui les établit. Il est un Dieu qui détient la coupe du jugement contre les méchants. Comme nous montre les versets 9, bien-aimé, si tu vis sous l'oppression du méchant, si tu vis sous la domination du méchant, sache qu'un jour, Dieu va te justifier. Il va juger les méchants parce que c'est lui qui est le Dieu souverain. Il est au contrôle. C'est lui qui élève qui il veut et il abaisse aussi qui il veut. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur, nous prosternons tous devant toi, nous te couronnons roi, nous te couronnons roi, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons roi. Soit célébré, alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur, il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite la force. Élevons tous ensemble nos voix pour glorifier son saint nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Cette émission est produite à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur la Radio Nationale des Églises Protestantes Évangiles de Côte d'Ivoire, Radio Fréquence Vive. Nous encourageons tous ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp, où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits des OSB, nous serions intéressés de nous faire un retour. Et le 28 décembre, ici à Abidjan, nous aurons la grande rencontre OSB d'Action de Grâce, où tous ceux qui prient avec OSB viennent pour louer Dieu, pour écouter des témoignages, mais aussi pour dire merci par une offrande spéciale d'Action de Grâce. Si vous suivez cette émission en dehors de la Côte d'Ivoire et que vous avez cette possibilité de faire parvenir votre offrande, faites-le librement selon ce que le Saint-Esprit va vous convaincre. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 75. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Louons l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Et louons-le surtout pour les jugements qu'il va infliger à nos ennemis au temps fixé. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Mission sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, Dieu de toute justice. Merci parce que ton amour est un amour incommensurable, un amour sans fin, un amour que tu as toujours manifesté. Béni sois-tu parce que tu nous as toujours gardés, tu nous as toujours bénis, tu es toujours intervenu dans notre vie, au moment, notre Dieu, notre Père, où nous étions désespérés, où nous étions craintifs, où nous étions inquiets pour l'avenir, pour la vie de nos enfants, pour notre couple. Mais tu es intervenu et tu as rétabli ta justice. Ta gloire s'est manifestée. Tes bienfaits se sont réalisés dans nos vies. Tes promesses, gloire à toi. Au-delà de ce que tu fais pour nous, nous te demandons de manifester ta justice dans la vie de nos ennemis, de tous ceux-là qui nous ont dépouillés d'une manière injuste, qui nous combattent d'une manière injuste à cause de la jalousie. Notre Dieu, notre Père, qui ne compte que sur leurs forces, ils ne comptent que sur leurs forces, sur leurs moyens financiers, et ils n'ont aucun égard pour les pauvres, et manifestent l'injustice dans la vie de tes enfants. Donne gloire Seigneur, pour que la joie de tes serviteurs, de tes enfants, soit une joie parfaite. Beaucoup de tes enfants vivent dans la misère à cause des méchants. Ils vivent des maladies bizarres à cause des méchants. Nous te prions de te glorifier. Donne gloire. Merci pour ta fidélité, ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à attendre son temps où il agira en notre faveur contre nos ennemis. Il y a peut-être quelqu'un, tu attends une bénédiction, tu attends l'exaucement d'une prière, mais tu vas prier pour que Dieu t'aide à attendre. Au lieu de retourner dans le monde, au temps fixé, Dieu va agir dans ta vie et il va te défendre au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père, notre respiration, notre vie, notre sécurité, notre vêtement, notre santé. Tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. À qui irons-nous pour avoir cette vie? C'est vers toi. Vers toi, le Dieu plein d'amour, le Dieu de justice, le Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Merci ce matin. Nous voulons te prier, Père, parce que quand nous voyons notre environnement, nos enfants grandir, notre vie, Seigneur, nous sommes beaucoup inquiets et nous voulons notre Dieu, notre Père, ressembler à ceux avec qui nous vivons, nous travaillons. Et quelquefois, nous perdons espoir, nous perdons patience, nous perdons notre maîtrise de soi. Nous voulons notre Dieu, notre Père, quelquefois être en avance. Mais ce matin, tu nous demandes d'être patient et d'attendre ton heure. Oui, parce que tout ce concours, bien de ce que tu aimes, nous te demandons de nous donner la force, que ton esprit nous conduise. Oui, Seigneur, quelquefois, quand on est pressé, on viole certains principes. Notre Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours pour attendre ton temps par rapport à notre mariage, par rapport au travail, par rapport à beaucoup de choses que tu nous réserves au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils réalisent que c'est Dieu qui élève et qui abaisse qui il veut. Prions pour qu'ils bannissent tout esprit d'orgueil et d'arrogance et qu'ils se soumettent à l'autorité divine. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la Merci Père, parce que quand on le regard vers toi n'est jamais confus, mais on est rayonnant de joie. Et la bénédiction qui ne survit d'aucun chagrin vient de toi. Merci Seigneur, parce que ta parole nous dit, l'orgueil précède la chute et l'humilité, la gloire. Nous voulons te prier ce matin pour tous ceux qui ont été élevés en dignité par toi, mais qui ne le savent pas, mais qui sont enflés d'eux-mêmes, qui sont notre Dieu devenu orgueilleux, qui méprisent, qui écrasent, qui ne te reconnaissent plus jamais et qui ne comptent que sur ces biens que tu as donnés, sur les familles, sur l'argent, sur le bonheur, sur tous ces bienfaits que tu as accordés par grâce. Mais Seigneur, ils pensent que c'est par leur propre travail. Oh, c'est toi, toutes choses viennent de toi. C'est toi qui bénis, c'est toi qui élèves, c'est toi notre Dieu, notre Père. Nous voulons prier ce matin pour ces maris qui écrasent leur épouse, pour ces femmes qui écrasent leur époux, pour toutes ces personnes qui écrasent, ces supérieurs qui écrasent, ces subalternes. Oh Seigneur, viens au secours. Viens au secours pour que l'équilibre soit vécu entre les relations humaines. Nous t'en supplions que l'orgueil soit banni au milieu de nous, même dans ta maison, dans nos foyers, pour que l'humilité, tu as été humble. C'est un exemple que nous devons suivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas, notre grand rendez-vous, c'est le samedi 28 décembre 2019. Grande rencontre OSB d'Action des Grâces à l'auditorium de la mission Ephrata à Abidjan, Faya, sur la route de Benjeville, on descend au carrefour Abata. Thème, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Je vais parler à quelqu'un. Si tu n'es jamais venu à cette rencontre, c'est l'occasion que Dieu te donne. Si Dieu t'a protégé pendant les 12 mois, ne manque pas pour venir, toi et toute ta famille, pour dire merci au Seigneur. L'espace est grand pour recevoir plus de 200 voitures. Dans cette rencontre, nous serons plus de 7000 personnes. Il faut venir vivre spécial OSB. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.